pense, c'est que t'as besoin de quelqu'un qui réclame ta présence, quelqu'un qui sera heureux de t'avoir. Je crois que j'ai une vieille idée, la meilleure idée pour toi. Maintenant fais un bébé, fais un bébé. C'est du soleil dans tes bras, un plus petit que toi. C'est le soleil, les boîtes de nuit où tu traînes, où tu te laisses un peu aller. C'est juste bon pour un samedi soir. Tu me dis non, non, c'est ma vie. Fais un bébé, quand ça pleure, tu oublies tes malheurs.